Je vous regarde, je vois ces jeunes visages et je pense... Je vais vous dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre deux âges puisse faire, d'accord? J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. Écoute, j'ai pas de message à faire passer, non, j'ai juste la rage à canaliser, maintenant, ouais, la confiance a disparu, ouais, maintenant je ricane plus, le changement est chime, t'as vu, la vie c'est trop bizarre, oui, souvent des spliffs j'abuse, coulant est mon style caru, rarement je suis pas fichu, puis je rêve d'hôpital, je vois que la maladie me tue, ma famille pas détendue, puis vu tout le contenu, c'est peut-être prémonitoire, j'ai un chagrin immense, desséqué l'hardcore, ouais, je suis faible à mort, puis mal dans mon corps, mais comment je dors? Yo, tu veux le savoir, ouais, mais par intermittence, j'adopte une drôle d'attitude. Oui, je te cause solitude, pourtant tu sais quoi, c'est pas un thème qui me tente. Oui, je te parle d'un vécu, quelques trucs m'ont déçu. On me dit laisse tomber, c'est pas la peine que t'y penses. Ils ont facile à en parler, mais pas facile à croire. Si ça t'est pas arrivé, non, tu peux pas savoir. De toute façon, les situations sont toujours différentes. À part dans chacune d'elles, ouais, ça te nous le vendre. J'avais des projets du bonheur qui se sont effacés. Ça me fait l'effet d'une comète qui sur mon cœur s'est écrasée. Non, tu vas pas me croire, j'ai fait des fautes qui puent. Je reste chez moi, je bois du noir dans ma solitude. Parfois j'en ai besoin. Souvent ça me fait du mal. J'ai pris des mauvais chemins et fait des mauvais bails. Ferme ta gueule, allez. Non, t'es pas devin. La vie peut grave changer du jour au lendemain. Mais t'es pas toujours seul. T'inquiète, y'a tous tes proches, ouais, qui font que tu t'accroches. Même si t'as un gros coup de gueule, ils seront là quand ça se corse et te donneront de la force. Même si tu dis que t'as beaucoup le seum. Arrête de te braquer et de penser comme un ado. Arrête aussi de rêver. La vie te fera pas de cadeau. Si tu te sens pousser des ailes redescendre sur terre, la chute aura peut-être l'effet de te mettre sous terre. Alors, pour ça, reste bien lucide. Sois pas cupide et ni stupide. Bref, j'suis pas venu te faire la morale. Profite des bons moments. Un jour t'es adorable, le lendemain t'es dérangeant. Rien à foutre, tu fais boycott, dire que j'pue la merde. Ou que tu kiffes mon hip-hop et que tu bouges la tête. J'décris ma bête vie et tous mes mal-être. Vu que rien n'est acquis mon pote, tu n'as rien à perdre. Rien à foutre, tu peux me boycott, dire que j'pue la merde. Ou que tu kiffes mon hip-hop et que tu bouges la tête. J'décris ma bête vie et tous ces mal-être. Vu que rien n'est acquis mon pote, tu n'as rien à perdre.